Je suis Delphine Glachan, je suis psychiatre à l'hôpital des Murets dans le Val-de-Marne et je suis aussi présidente de l'Union syndicale de la psychiatrie, donc syndicat de psychiatres. Voilà. Et si je suis là, c'est non seulement au nom du printemps, mais aussi au nom de l'USP et pour dire que les psychiatres de l'USP sont extrêmement sensibles à ce qui se passe ici, à ce qui se passe au Rouvray déjà depuis 2 ans. Quand il y avait eu la grève de la faim, ça nous a vraiment alertés. On avait rencontré d'ailleurs ensuite les grévistes et puis les perchers du Havre, les gens de Pinel, enfin vraiment, et de cette énergie, de cette contestation, etc., on a souhaité que des gens se réunissent et puis ensuite que se construise le mouvement Printemps de la psychiatrie. Moi, je voudrais juste donner un petit témoignage de mon expérience de la crise Covid. Dans l'hôpital où je travaille, il y avait une cellule de crise assez zélée de gens qui, là, en profitaient pour exercer leur petit pouvoir et qui, chaque jour, nous donnaient des directives qui allaient toutes vers plus d'enfermement, en fait. Du confinement, du surconfinement, des pavillons fermés, etc. Et dans mon service, si on a décidé qu'on ferait autrement. On a décidé qu'on allait s'allier ensemble, tous les personnels confondus, les ASH, les psychologues, aides-soignants, infirmiers, médecins, et puis les patients. On a décidé qu'on allait traverser tout ça ensemble et en fait, on a fait des tas de choses. Pas du tout dans la ligne de ce qui nous était demandé, mais on a traversé tout ça sans trop d'encombre. On a réussi à maintenir une ambiance vivable dans le service. On a pris soin des patients. Les patients ont pris soin de nous, soignants qui étions aussi assez éprouvés. Et tout ça, ça montre bien que quand on nous laisse la liberté de travailler et avec un peu plus de moyens, hein, on nous a accordé une aide-soignante en plus par-ci, une ASH en plus par-là, et ben on a réussi à faire du bon boulot. Et donc, ces foutus directeurs qui balancent des conneries, mais vraiment qui sont complètement à mille lieues des soins, ben on n'en veut plus, quoi. On n'en veut plus, il faut que ça change. Voilà.